Antonio Colombesson, Brian Johnston Massacre ouvrent notre 211e Pop & Rock sur la très locale RVR pour fêter la sortie en février 2023 de leur 13e ou 14e ou 15e. En fait, je ne serais incapable de vous dire le nombre d'albums sortis par le Brian Johnston Massacre, tellement ils sont hyper actifs dans leur création. Mais ce soir, on se focalisera plus particulièrement sur The Future Is Your Past, dernier album en date du Brian Johnston Massacre. Profitez donc de leur piste numéro 1. Brian Johnston Massacre, je me doute qu'il faut un certain degré d'ouverture d'esprit pour se laisser planer sur les mélodies lentes, voire répétitives de Anton Newcombe. Perso, je ne suis pas fan de tout ce qu'ils font, mais sur leur purin massacré poussent quelques fleurs, que dis-je, quelques perles comme ce titre datant de 2009, Nevertheless. Just a token. Brian Johnston Massacre, on peut passer une nuit entière à planer, alors pour nous réveiller, fonçons sur les Français de Bilbao Kung Fu avec leur nouveau titre qui sort ces jours-ci. Bilbao Kung Fu n'en sont pas à leur coup d'essai car avant de réapparaître en février 2023, ils avaient joué Animal Social, second titre du soir de Bilbao Kung Fu. Yeah. promis, les gars faisant du kung-fu du côté de Bilbao reviendront dans Pop'n'Rock lorsque leur album sera dans les bacs. Franchement, ces rockers ne savent même plus quoi inventer pour se faire remarquer. Bilbao kung-fu, franchement. Et oui, la voix off, c'est ça le rock, du gros son et un pseudo qui décoiffe comme les Black Rebel Motorcycle Club. Donc un jour je fasse une liste de tous les groupes avec des pseudos très étranges, car des King Gizzard and the Lizard Wizard au Lulu and the Lampshade, en passant par Martin the Muffins et autres Brian Johnston Massacre, il y aurait matière à traduire et à se moquer. Mais ce soir, restons à notre programme avec donc la découverte du nouvel album de la bande à Anton. And follow the path through the forest we go. Petit regret, je n'ai jamais vu de live du Brian Johnston Massacre, qui doit d'ailleurs plus tenir de la soirée hippie que du concert rock. Cependant, ce doit être, dans un bon jour du Anton, un moment inoubliable. Mais revenons à notre pop and rock du soir, et filons du côté des cousins du Brian Johnston Massacre, je pense bien évidemment aux Dandy Warhols, tout aussi méconnus et maudits que les susnommés. Entre 17h et 18h, vous accompagnez le rock de Pop and Rock, les petits enfants du rock, au 104.6 sur RVR. Merci la voix off. Étrangement, ce soir, je ne vous ai pas encore proposé de cadavre exquis du rock. Je viens donc d'aller gratter et chercher, et je viens de trouver Neher, N-E-H-R, qui aujourd'hui a disparu, mais qui en 2007 chantait « Nous sommes ». Profitez donc des 4 minutes 50 à venir. Regardez les contours, les œuvres alentours. Estimation confondue, encore le même discours que l'on nous distribue. Fuel. Regarde ça, des ruisseaux d'étoiles, un nuage de poussière estompe l'atmosphère. Si près du soleil, tu ne vois que la lumière par cette infime étincelle. Si près du soleil, tu ne vois que la lumière par cette infime étincelle. Nous sommes. La plantation de Nova, la dentelle réverbère, la nébuleuse en éclats, garde un pied sur terre, c'est tout ce que j'espère. Cette infime étincelle, si près du soleil, tu ne vois que la lumière par cette infime étincelle. Sors. Belle découverte ce soir dans Pop and Rock, en tout cas c'est mon avis, session plus revival que découverte. Nous on dit session de rattrapage. Voici donc un second titre de Nerve, cette fois avec un titre datant de 2009. Restez. Que vous pourriez, madame. À la même époque et aussi au rayon des cadavres exquis du rock, il y avait d'autres Français menés comme Nair par une voix féminine. Rappelez-vous Nadge. Si vous avez aimé les artistes programmés ce soir, n'oubliez pas de nous retrouver sur le site de la radio rvrradiolibre.fr ou alors dans les podcasts sur Facebook de Pop & Rock, les petits enfants du rock. Et heureusement, parmi les groupes disparus, mes recherches m'amènent parfois vers des artistes qui gardent encore la tête hors de l'eau. Et là, courant février, je découvre le groupe rock français Bébli. Attendre demain sans but particulier, c'est quoi ce chemin? Apprendre à se détester, traumatisme crânien, traumatisme, je suis affecté, c'est quoi ce chemin? C'est quoi la finalité? Mais je suis fatigué et je ne dors plus. Mais je suis épuisé et je ne dors plus. Mais je suis fatigué et je ne dors plus. Répondre présent demain, tu sais, ça reste à prouver. C'est quoi ce pétrin? C'est quoi la finalité? Traumatisme crânien, traumatisme, je suis affecté. C'est quoi ce chemin? Apprendre à se détester. Je ne dors plus, mais je suis épuisé et je ne dors plus. Mais je suis fatigué et je ne dors plus. Et ouais, en 2023, des groupes font encore du rock et en plus, ils osent le faire comme Bébli en français. Second titre tout de suite de Bébli, L'Intervalle. We'll be right back. pas mal à suivre. Pas mal à suivre enfin, je pense. Allez, l'heure de nous quitter approche, alors un dernier petit cadeau et rendez-vous semaine prochaine, même heure, même endroit, et bis à tous. Au bistrot, comme toujours, il y a les beaux discours, au poteau, les pourris, les corrompus aussi. Blanche et carnassier. Mais à la première occasion, chacun devient le relais de la foire au pognon qui se trame ici à la danse avec Johnny. On se rappelle de la France, on est réminiscence de l'ordre, des jeux de l'essence quand on vivait mieux. Il y a des polémiques et on pouvait discuter, mais c'est Mickey qui a gagné, allez d'accord. semaine prochaine, 17h.